Quand je regarde en arrière, je vois une cave en béton et dans une faible lumière, quelques personnes assises en rond. Au dehors, le cri des sirènes, ma mère qui m'aidera plus fort, la caresse de son haleine dans mes cheveux et je m'endors. Mon enfance, je suis pas fâché que tu sois passé. Mon enfance, je ne voudrais pas recommencer. Avec ça, on devient peut-être un homme, peut-être rien. Peut-être un homme à la recherche d'un enfant. Quand je regarde en arrière, je vois les photos de l'absent. Il n'est pas revenu de guerre, mais ma mère m'en parle tant. J'aurais aimé le mieux connaître ce héros. J'aurais préféré un père à moi qui me voit naître, un copain avec qui jouer. Mon enfance, je suis pas fâché que tu sois passé. Mon enfance, je ne voudrais pas recommencer. Avec ça, on devient peut-être un homme, peut-être rien. Peut-être un homme à la recherche d'un enfant. Quand je regarde en arrière, je vois un beau printemps déjà. Mauve et rose sur la rivière, rose et mauve dans tes bras. On a bien oublié la guerre, il y a 20 ans de ce temps-là. Et mon fils regarde son père, qui n'est pas un héros, je crois. Mon enfance, je suis pas fâché que tu sois passé. Ton enfance, mon fils, tu vas la commencer. Avec toi, je deviens peut-être un homme, peut-être bien. Peut-être un homme qui a retrouvé l'enfant. Peut-être un homme qui a retrouvé l'enfant.